Ville-Marie est à 60 lieues de Québec. En dépassant Trois-Rivières, nous entrons dans le premier cercle de l'enfer. Un enfer de froid, de glace, tout est blanc. Nous continuons à pagayer en rythme, frénétiquement, avec le sentiment que si nous nous arrêtons, nous sommes morts. Le bruit des pagayes ne suffit pas à masquer la violence de notre respiration, et c'est quelque chose d'effrayant, d'animal. Je n'entends plus que ça. Je suis à l'arrière de la chaloupe. J'ai le regard fixé sur la nuque de l'homme assis devant moi. Depuis plusieurs jours, personne n'a dit un mot. Soudain, un soldat à l'avant pointe du doigt quelque chose sur la rive. Il ne dit rien. Il reste immobile. Tendu. Nous nous sommes figés d'un coup. Je ne distingue rien. Mais c'est le silence, brutal, qui m'impressionne. Les corps fument. Sans explication, le soldat saisit à nouveau la rame à deux mains. Nous nous remettons à pagayer avec la même frénésie. La barque avance par à-coups. À cette période de l'année, la navigation sur le fleuve est extrêmement dangereuse. Nous venons de franchir sans même y prendre garde un passage que j'appréhendais. Cela devrait me rassurer. Mais je me dis qu'à ce rythme, nous ne tiendrons pas longtemps. Cette pensée me glace le sang. Alors que je me tourne pour jeter un dernier regard au rapide que nous venons de passer, j'aperçois, à 30 mètres derrière nous, un groupe d'Indiens. Ils avancent au même rythme. Leur progression est souple et fluide. Ils avancent sans crainte, sans prendre la peine de rester à couvert. Ils sont armés, mais leur attitude n'est pas agressive. Je suis le seul à les avoir repérés. Je perds le rythme. Par ma faute, la barque dérive sur la droite. Je fais un effort surhumain pour rectifier la trajectoire. Je réussis à masquer mon trouble. Je prie pour qu'aucun de mes compagnons ne remarque le groupe qui nous suit.